ange sur la terre, chapitre 22. Une vengeance de Martial. La brusque façon dont Martial avait pris congé de ses amis le matin semblait indiquer que, comme Achille, il allait se retirer pendant quelque temps sous sa tente. Ils furent donc fort étonnés de le voir rentrer à l'heure du dîner et s'habiller ensuite pour se rendre comme d'ordinaire à la tertulia de la marquise. Tous trois se mirent en route, Martial marchait le premier en chantonnant « Si le roi m'avait donné, etc. » « La montagne est en travail, » dit Gennaro à Fabiane. « Oui, oui, » répondit celui-ci, « le volcan fume. Dans quelques 2000 ans, on découvrira sous la cendre les restes de Rennes et de Gennaro. Je vous promets d'être votre Pline. » Quand ils furent arrivés chez la marquise, Martial s'arrêta à la porte du salon et, au lieu de passer le premier suivant sa coutume, il s'effaça et força ses amis à passer devant lui. Pendant qu'ils allaient saluer la maîtresse de la maison, Martial, usant de la liberté que lui donnait son titre de parent, s'approcha du piano, s'empara des cahiers de musique qui le couvraient et fut les déposer sur une chaise vide, placée dans l'embrasure d'une porte-fenêtre, non loin d'un groupe où Rennes figurait avec ses amis. « Où vas-tu donc, Martial, chargé de cette musique? Vas-tu chanter un solo ?» lui dit Rennes. Martial ne répondit pas, et, après avoir déposé soigneusement sur la chaise les cahiers de musique, il se dirigea vers sa tante pour la saluer. Rennes profita de ce moment, et, appelant un domestique, elle lui ordonna de remettre les cahiers sur le piano, mais Martial, qui ne les avait pas perdus de vue, s'élança comme un lion sur sa proie, remit les cahiers sur la chaise et s'assit dessus. Ainsi placé et dominant tout le monde de sa haute taille, il avait l'air d'un prédicateur dans sa chair. Mais au bout d'un moment, la position lui sembla intolérable. D'abord, elle le privait de se mêler au groupe et de prendre part à la conversation générale. Puis il grillait d'envie d'avoir une explication avec sa cousine. Enfin, il était fort mal à l'aise sur cette chaise encombrée de musique. « Écoute ici, » dit-il à un domestique qui passait, portant des flambeaux pour une table de tricillon. « Va-t'en de ma part, appeler Don Fabiane. » Fabiane accourut à l'appel. « Es-tu mon ami ?» lui demanda Martial d'un ton solennel. « À la vie, à la mort !» répondit Fabiane. « Veux-tu me donner une preuve de cette amitié dans une des circonstances les plus graves où je me sois trouvé de ma vie ?»« Commande, j'obéirai. Tu sais, ami parfait, ce qui s'est passé ce matin. Grâce à toi, j'ai pu connaître la perfidie de Rennes, la trahison de Gennaro et les noirs complots qu'ils ont formés contre ma personne. Je te l'ai déjà dit ce matin, Martial, tu n'as pas le droit de te plaindre. J'ai au moins le droit, répliqua celui-ci d'une voix de plus en plus grave, de déranger leurs plans, comme ils ont dérangé les miens. On veut la guerre, on aura la guerre. S'il faut du sang, il y aura du sang de versé. Au nom de Dieu, Martial, laisse là ces souvenirs de nos discordes civiles. Soit, ô ma paisible rivière, il n'y aura pas de sang de versé, mais je me vengerai. De quelle manière ? Demanda Fabiane, qui tremblait de se voir compromis dans une ridicule querelle. Je te préviens que je ne veux participer en rien à une vengeance sans motif et que je n'approuve pas. « Rassure-toi, il n'y aura personne de compromis. »« Eh bien, que veux-tu que je fasse ?»« Je veux tout simplement, » répondit Martial de sa voix de bourdon, « que tu me remplaces sur cette chaise. » À cette singulière demande, Fabiane leva les épaules et s'en fut. « Ingrate rivière !» lui cria Martial, qui, dans ce moment, oublia le paisible. « J'aurais pris ta place, moi, si tu me l'avais demandé, même entre les cornes d'un taureau. » Heureusement pour Martial, la porte du salon s'ouvrit à ce moment et l'on vit apparaître sur le seuil la longue et triste figure de Tiburcio. « Civico ! » exclama Martial en l'appelant. « C'est le ciel qui vous envoie. Êtes-vous mon ami ?»« L'amitié est aussi profondément enracinée dans mon cœur que la conviction dans mon esprit, » répondit le citoyen de Viamar. « Voulez-vous me donner une preuve de cette amitié ? C'est le plus cher de mes désirs. Quelle qu'elle soit, vous ne me la refuserez pas. Vous n'imiterez pas Fabiane, ce paisible l'été, infidèle à ses promesses. L'homme ne doit rien refuser à l'homme. J'approuve l'axiome et je l'étends à la femme. Ainsi, vous êtes prêt ? À tout ? Eh bien, mettez-vous à ma place, » dit Martial, en hissant sur les cahiers de musique Tiburcio, qui, dans cette position, représentait au masculin le tableau vivant de la Didon abandonnée. « Il paraît que tu as cédé la présidence, cousin ?» dit Reine à Martial, en le voyant se planter, les bras croisés, devant elle. « Ne fais pas tant sonner le mot « cousin », ingrate que tu es. Je ne le suis peut-être pas autant que tu veux bien le croire. Je souhaiterais, pour mon compte, qu'il n'y eût aucune parenté entre nous. Tu ne te croirais pas permis de prendre ces airs d'importance et ce ton déplacé qui me déplaise souverainement, je t'en préviens. Jamais je n'aurais pu le croire, exclama Martial sans répondre. Croire quoi ? Demanda Reine. Jamais je ne l'aurais pensé. Quelle chose ! Jamais je ne l'aurais imaginé ! Quelle merveille ! Quel phénomène ! Que tu ne m'aimais pas, quand plus de 20 000 fois je t'ai répété que je t'aimais ! Tu aurais pu t'épargner 19 999 répétitions. Ne t'ai-je pas, dès la première fois, conseillé d'aller chanter ta chanson ailleurs ? Si tu as voulu persister, à qui la faute ? Mais enfin, pourquoi ne veux-tu pas m'aimer, ingrate cousine ? « Écoute, Martial, je dirai comme la chanson. Sais-tu bien, beauté sans cervelle, comme dit le renard au buste, que ta mère eût été enchantée de me nommer son gendre ?» Note du traducteur. « Beauté sans cervelle, belle tête, dit-il, mais de cervelle, point. » La Fontaine, livre 4, fable 14. Fin de la note. « Sais-tu bien, beauté sans cervelle, comme dit le renard au buste, que ta mère eût été enchantée de me nommer son gendre ?»« Fat, tout l'honneur eût été pour toi de pouvoir appeler ma mère ta belle-mère. » »« Je ne dis pas non, l'un n'empêche pas l'autre. Mais en vérité, capricieuse reine, ton choix a lieu de m'étonner. As-tu bien pu préférer à moi, Martial, cette efflanquée de Gennaro, ce perfide renard ? Qui t'a dit cela ? S'écria Reine. Il suffit que je le sache. En cela, tu es mal informé, comme en bien d'autres choses. Je sais très bien, et de la meilleure source, répliqua Martial d'un ton moqueur, que le cousin, le gros Martial, devait servir ce soir de paravent à quelqu'un pour l'aider à cacher certains billets dans les cahiers de musique. Mais ne trompe pas qui veut le gros Martial, et tu as pu voir comment j'ai su déjouer vos plans. Les cahiers de musique sont en sûreté et bien gardés, sinon sous clé, du moins sous un poids respectable. Ariette, Duo, Cœurs et Romances ne seront pas complices de votre trahison. Nous connaissions déjà, dit Flora, intervenant dans la conversation, votre antipathie contre la musique. Mais nous ne pensions pas qu'elle allât jusqu'à lui déclarer la guerre. En vous voyant mettre sous presse tous ces pauvres cahiers, je pensais que vous vouliez peut-être en extraire une quintessence d'huile musicale, propre à adoucir les oreilles. La musique n'est pas assez discrète pour jouer le rôle de confidente, Flora, répondit Martial. Ce rôle convient mieux à la déesse des fleurs. Martial, répliqua Flora, sans avoir l'air de comprendre l'épigramme. « Je vous avertis que ce pauvre Tiburcio va absorber tant d'harmonie qu'il éclatera en un fougueux récitatif en l'honneur de Munsukabet, comme dit Fabiane. Quoi que vous fassiez, et au grand déplaisir de certaines personnes, il ne bougera pas de son poste, répliqua Martial. Il faudra, pour ce soir, en prendre son parti et se contenter du télégraphe à défaut de l'estafette. La vengeance est le plaisir des dieux, comme dit Hippocrate ou Socrate, n'importe lequel. Martial, répliqua Flora, avec cette malice et cette ironie innée chez la femme andalouse, vous feriez aussi bien de proclamer une amnistie et de délivrer de cette cruelle oppression les ariettes, les duos et les valses, injustement accusés de complicité, de trahison et arbitrairement mis sous un état de siège d'une nouvelle invention. Tenez, ajouta-t-elle en soulevant un coin de son mouchoir brodé et en lui montrant le bout d'un billet. Ceci peut vous convaincre que le pauvre Civico perd maintenant son temps et ses efforts à se maintenir en équilibre sur son trophée de musique, comme il les perd en d'autres occasions à vouloir détruire l'équilibre social, comme dit Fabiane. Flora, votre conduite est indigne. Devais-je m'attendre à cela de la part d'une amie? Et toi, ingrate, ajouta-t-il en se retournant vers sa cousine, je vois bien qu'il faut renoncer à ton amour, mais tu porteras la peine de ton péché, et tu te repentiras un jour d'avoir dédaigné, refusé, méprisé un parti tel que moi. Si une partie de toi-même est si regrettable, que sera-ce donc de l'entier? Note du traducteur. Partie, jeu de mots sur partido, qui veut dire à la fois un parti et une partie. Fin de la note. Moque-toi à ton aise. Je sais que tu m'as baptisé du nom de gros Martial. Il te faut des freluquets à toi. Mais sache bien, cousine, que jamais abondance de blé n'a été signe d'une mauvaise année. Refuser un parti tel que moi, un parti aussi brillant, un homme qui peut devenir duc un jour, mais qui ne deviendra jamais mon mari, un homme qui sera à la tête d'une si grosse fortune, et d'une voix plus grosse encore, de tant de moulins, à parole, de tant de pâturages, et de si peu de cheveux, je te retire mon amour, mon affection, ma tendresse, mon admiration et mes sympathies. Ainsi soit-il. Au bout de la litanie, mais le chagrin de cette privation ne me fera pas maigrir. Adieu donc, toi qui as poussé la sécheresse et l'ingratitude jusqu'au fabuleux, à l'incroyable, au phénoménal. Adieu. Adieu, pour jamais. Pour jamais. Amen, dit Reine. Allons, va-t'en maintenant relever de faction ce pauvre Tiburcio. Martial ne lui répondit pas et courut chercher son chapeau. Civico, s'écria Reine, aimez-vous la musique? Oh oui, signora, mais la musique espagnole seulement. En France, la musique n'existe pas. C'est singulier. Je croyais cependant qu'Aubert, Adam, Alevi, Hérold, Félicien David et tant d'autres existaient ou avaient existé, dit Fabiane. Connais pas, répondit Tiburcio, de cet air méprisant qu'affectent les pseudo-éclairés. Et la musique italienne? Dit Reine. Il n'y a que le chant de supportable. Et la musique allemande? Exclama Flora, qui était très bonne musicienne. On ne peut écouter les valses de Strauss. Parlez-moi de la musique espagnole. Voilà de la musique. Mon ami, le maestro Arpeggio, a composé un opéra qui est bien le chef-d'œuvre le plus complet. Arpeggio? Jamais je n'ai entendu parler de ce nom-là, dit Reine. Que voulez-vous? Il est espagnol, et cependant son opéra est une œuvre magistrale, et vous pouvez m'en croire, ajouta Tiburcio en posant gravement un long doigt sur une longue oreille. Les autres ont des oreilles. Moi, J'ai deux l'oreille. » À ce moment, Martial appela Tiburcio. « Vous pouvez venir maintenant, lui dit-il. La vigilance est devenue inutile. Allons sur la place, jouir des beautés de la nature et parler politique, et laissons là les femmes. Elles sont indignes, et plus qu'indignes d'occuper une attention virile. Je crois vraiment que si je n'avais pas envie de devenir député, j'irais de ce pas m'ensevelir à la trappe pour ne plus voir une femme. Une femme, un composé du serpent, de la chatte et de la pie, instinct, inclination, tous les poussons mâles. Faut-il choisir entre le bon et le mauvais, entre deux choses, entre deux hommes? Soyez certains qu'elles choisiront le pire. Faut-il mentir, tromper, dissimuler? On les voit accourir. Non, il n'est pas possible que ces petits êtres malfaisants soient sortis de l'honorable côte de l'homme. Cette côte, le diable l'avait changée contre une des siennes. Et nous autres, imbéciles, nous restons là, bouche béante, en admiration devant elles. Nous nous mettons en quatre pour leur faire plaisir, et qu'en retirons-nous d'être traités comme des chiens? Pour mon compte, j'en ai assez. Il est temps de mettre des bornes à leur tyrannie effrénée, à leurs caprices insensés, à leurs stupides entêtements. Dès aujourd'hui, je vais m'occuper d'un projet de loi que je présenterai au Cortés pour réfréner les droits. Les droits de qui? Exclama Tiburcio exaspéré, indigné, horripilé, à cette seule idée de réfréner un droit, et se dressant comme un coq sur ses ergots au milieu de la place, où il apparut aux rayons de la lune comme la personnification du droit fait homme. « Les droits des femmes ! » cria Martial. « Je veux qu'on supprime le droit de refuser un homme pour mari, quand celui-ci apporte dans le mariage toutes les conditions matérielles, corporelles et spirituelles qui constituent un parfait mari, c'est-à-dire la santé, la bonne mine, la naissance, la fortune, la capacité, enfin, toutes les qualités d'un galant homme. » Quand Martial eut bien exhalé sa colère, Tiburcio profitant d'un moment de silence, « Je suis bien en peine, ami Martial, lui dit-il. Ma mère, cette sainte Virago, vient de m'écrire et m'enjoint de revenir dans le sale village où j'ai reçu le jour, et pour m'obliger à aller, comme une vestale, m'enterrer tout vivant dans ce tombeau, elle me prend par la famine. « C'est le manque d'argent qui vous force de partir ? » répliqua Martial. « Venez demain chez moi, j'en ai de tout frais, et je puis vous prêter 16 onces. » « 1000 remerciements pour cette preuve d'amitié, je vous donnerai un reçu. » « Je ne prends pas de reçu de mes amis, » répondit fièrement Martial. Effectivement, quelques jours auparavant, Tiburcio avait reçu de sa mère la mémorable épître dont nous allons donner le contenu. Tiburcia à Tiburcio. « Crois-tu donc, garçon, que mon oncle Bartholomé m'ait laissé de bons écus pour que tu les gaspilles en te passant toutes les fantaisies d'un marquis, pendant que nous autres, nous travaillons comme des mulets ? C'est vrai, il n'y a pas de raison. Ainsi donc, fils du diable, je me réjouirai que cette lettre te trouve en bonne santé et que tu t'empresses, aussitôt reçue, de monter sur la mule de l'oncle Blas, le muletier, et de revenir ici plus vite que ça. Si tu ne le fais pas, foi de Tiburcia, je m'en vais moi-même à Séville réclamer, auprès de la justice, de toi et de ton père, le remboursement des écus que m'avait laissé l'oncle Bartholomé et que tu as dépensés en gants, en bonnets et autres fariboles. Tu aurais bien mieux fait d'apprendre à flairer les mules. C'est vrai. » Cette lettre, n'ayant pas produit l'effet qu'en attendait son auteur, vu la marée que le prêt de Martial avait fait refluer dans la bourse de Tiburcio, sa mère, qui ne manquait jamais à sa parole, se mit en route, en dépit de ce que put faire et dire l'alcalde pour la retenir. De dépit, il en brisa sa baguette. 3 jours après, une brillante cavalcade traversait les rues de Séville. Sur un mulet d'une taille gigantesque et sur un bât fixé par de solides sangles, trônait, sur des coussins mollement rembourrés, le large centre de gravité de l'alcaldesse de Villamar. Fier de porter une aussi noble charge, le mulet relevait alternativement chaque oreille et faisait résonner les grelots suspendus à son cou. Monté sur des petits mulets ou sur des ânes, quelques muletiers remplissaient le rôle de satellite autour de cet astre proéminent et l'entouraient de soins et d'attention. Tiburcia, sur son mulet, paraissait aussi fière qu'une reine sur son trône. La digne femme arrivait de son village dans tout l'éclat de modes arriérées de 10 ans. Un mouchoir rouge ceignait sa tête, et les deux bouts, noués ensemble, s'élevaient en formidable rosace sur la tempe gauche. À ses oreilles pendait une énorme paire de boucles en filigrane d'argent, une croix en même métal, suspendue à un ruban de velours, se jouait sur ses robustes appâts. De sa ceinture tombée, à plis égaux, des jupes aux couleurs éclatantes qui venaient humblement baiser, sans les cacher, les énormes pieds de la noble alcaldesse. Quant à ses mains, ennemies, comme le sait le lecteur, de tout ce qui portait le nom de gants, elles s'appuyaient, dans toute leur nudité primitive, sur les extrémités de la selle, comme la griffe du lion s'appuie sur le globe des armes du royaume des Espagnes. Ainsi montée sur son mulet et entourée de sa cour, la reine de Villamar traversa le faubourg de Triana et les rues de Séville, s'informant si les tuyaux des cheminées n'étaient pas les tourelles de l'Alcazar, si le café de la Campana n'était pas la bourse, et si Sainte-Anne n'était pas la cathédrale. À force de marcher, elle arriva enfin à la petite place de la Pava où demeurait son fils. Au bruit que faisait ce troupeau de bêtes, Tiburcio passa son long nez à travers l'étroite fenêtre de l'humide petite chambre qu'il habitait. Et nous laissons à l'intelligent lecteur le soin de deviner la stupéfaction du fils quand il se trouva nez à nez avec sa mère. « Qu'il pleuve ou non, j'entre ici !» dit Tiburcia en s'introduisant belliqueusement dans la maison et en s'adressant à l'hôtesse. « Plaise à Dieu et à votre grâce, je suis la mère de ce méchant garçon et je viens le sommer de tenir sa parole. » À cette brusque invasion de sa mère, Tiburcio, pris à l'improviste, ne sut d'abord que répondre. Il se remit cependant, et faisant contre fortune bon cœur, il céda à la nécessité et partit le lendemain matin avec elle.